tatae, anniversaire et à l'indépendance. Anniversaire, il y a le 28 novembre. Ah, ta ta ta, eh, indépendance de l'auto s'est baignée. Como sananiteo baningai, bambateo kipanza dipandai, ezalie bora muya biso mokoe, kasi mokolo ya lelo, tose pelai lokola tokutanie, botika likunyae baningai,